Voir, écouter. Interview avec Jean-Baptiste Derac, guide de haute montagne. L'élève belge Mathis van den Driessche, âgé d'environ 10 à 13 ans, pose des questions à un alpiniste professionnel, Jean-Baptiste Derac. Apparemment, cette interview a lieu dans le cadre d'un projet scolaire. C'est à cause de la particularité de cette interview avec un adulte conduit par un enfant que j'ai décidé de l'analyser. La conversation est maladroite et il y a quelques malentendus et répétitions. On ne connaît pas le but exact du projet, mais Mathis ne semble pas avoir un but particulier à son entretien. Il paraît que pour Mathis, l'essentiel est de faire une interview avec n'importe qui et il a trouvé un alpiniste qui a consenti à être interviewé. Dans les commentaires sur youtube.com, on trouve quelqu'un qui commente « Mon prof d'histoire géo ». Et d'ailleurs, Van den Driessche mentionne aussi son métier de professeur. Donc, il est possible que Derac soit enseignant à l'école de Van den Driessche. C'est surtout le début de l'interview qui est intéressant pour nous, car on y voit une façon très explicite comment sont établis les Car on y voit d'une façon très explicite comment sont établis les codes qui vont être suivis tout au long de la conversation, ce qu'on analysera ensuite. Pour le début de son interview, Van den Driessche commence en établissant la prononciation exacte du nom de son interviewé et lui demande la permission de pouvoir poser quelques questions. Il continue à faire exactement cela en suivant sa liste de questions préparées. Sa maîtrise du microphone n'est pas encore très raffinée, ce qui fait que quelques-unes de ses questions finissent être inaudibles dans la vidéo. Il tend souvent le microphone déjà vers Derac alors qu'il finit encore sa question. Les questions sont très basiques, simples et pas tellement réfléchies. Elles sont préparées, mais elles ne contiennent pas de connaissances plus amples du sujet. Derac reconnaît cela très rapidement et structure ses réponses d'une manière adaptée aux connaissances de l'intervieweur. Il n'utilise pas de mots techniques et explique ses propos d'une façon compréhensible. Cela fait que toute la conversation se passe sur un niveau assez simple et d'ailleurs a aussi un effet sur le langage utilisé qui reste familier et quotidien. En même temps, Van den Driessche n'adapte pas ses questions aux réponses de Derac, ce qui fait que l'interview est très unilatérale. Il n'y a pas de questions enchaînées et pas de demande d'approfondissement ou de précision de la part de l'intervieweur. Il est incapable de restructurer son plan quand Derac ne donne pas la réponse attendue à la question de savoir s'il a toujours eu envie de faire de l'escalade. Et donc pose deux fois la même question. On suppose qu'il voulait peut-être une réponse plus précise que celle que lui a été donnée pour pouvoir continuer plus simplement. Il est aussi possible qu'il avait écrit cette question deux fois dans son catalogue de questions et ne fait pas d'effort de le corriger. Mais il pourrait aussi l'avoir répété par accident ou par nervosité. Par contre, Derac dit même qu'il ne peut pas donner une réponse précise à la question « Quelles sont les falaises et les montagnes que vous avez déjà escaladées ?» Il donne donc une réponse très résumée des montagnes plus connues qu'il a escaladées. Dans d'autres cas, il demande des précisions pour pouvoir répondre. Par exemple, il demande une précision sur le type d'expédition pour pouvoir donner le prix demandé pour une telle. L'intervieweur ne peut pas préciser sa question, ce qui montre aussi sa connaissance peu approfondie du sujet. Derac choisit donc soi-même une précision et donne une réponse de façon autonome. On voit d'ailleurs qu'il s'amuse un peu de la manière dont l'élève conduit l'interview. Mais il reste poli et lui pardonne son manque de professionnalité et d'expérience, puisqu'il n'est qu'un enfant.